une vraie question, c'est très compliqué. C'est une des qualités primordiales d'un scénariste, en fait. Une espèce de plasticité comme ça, c'est-à-dire à la fois d'être capable de prendre ce qu'il y a à prendre et de pas trop se déformer non plus. Enfin, Exactement ça. c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, c'est hyper usant. Des fois, même, c'est le réalisateur qui est paumé, qui perd confiance, et c'est nous qui devons essayer de recueillir les impressions. C'est très. Il y a toutes les méthodes. Par exemple, moi, je travaille aussi avec Roche Dizem, en fait, et il fait faire des fiches à chaque étape. Au début, ça me faisait flipper. C'est 7-8 fiches qui tombent en permanence. Mais en fait, quand le réalisateur est solide, c'est-à-dire que. Parce qu'il n'est pas inquiet sur la faisabilité du projet, c'est hyper fait. C'est bien. C'est bien parce que tu les prends à la bonne distance. Tu en prends ce que là. Mais si le réalisateur est un peu plus fragile sur un premier film, etc., et que. Et tu te fais ravager par des notes d'écriture, hein. Des Oh là. fois, faut être costaud, quoi, mais Non, puis faut savoir les prendre assez avec beaucoup de distance oui, c'est aussi. ça, voilà, c'est ça. Donc, c'est une des vraies difficultés du métier de scénariste, quoi, ça, pour le coup, hein, de savoir entendre les retours. Il faut aussi, j'imagine qu'il faut travailler son ego aussi, et aussi il faut gérer aussi l'ego des autres, j'imagine bien aussi. C'est là l'ego chez les scénaristes. C'est plus l'ego des autres. C'est Oui, le seul métier, on est dans une industrie hyper égotique et tout, et les scénaristes, c'est les seuls qui peuvent quasiment pas se permettre d'avoir d'ego. C'est quand même c'est une drôle de place à ce niveau-là. C'est un métier qui a d'énormes. C'est génial par ailleurs, mais si tu supportes pas qu'on bouge ton texte ou qu'on te bouscule ou qu'on te machin, faut pas y aller, quoi. Tu deviens Est-ce que fou, c'est quoi. mieux aussi de réaliser sa propre histoire? Comme ça, Myriam. Est-ce qu'on se dit, Ben, bon, comme ça, au moins c'est moi du début jusqu'à la fin, entre guillemets, c'est bon, c'est moi, comme je ça. préfère. Après, en même temps, je dis ça, je fantasme totalement un jour qu'on me propose un scénario que Oui. j'aurais pas du tout écrit et qui me plaise et que je réalise et j'ai rien à faire. Oh, Ça, ce j'adorerais. serait reposant. Ouais, Ce c'est serait un quoi, vrai par exemple, fantasme. votre, entre guillemets, rêve de scénario déjà écrit? Ce serait quoi Ben, j'en comme sais style? rien. Ben, Non? ça peut être une surprise, justement, il D'accord. faut être surpris. Et ça, c'est vrai, ça, c'est un rêve quand on sort d'une Ouais. réalisation. On se dit, c'est pas vrai, il faut tout recommencer au début. Et Ouais. c'est vrai qu'on se dit, Mais si moi, déjà on avait la case ouais. écriture en moins. Mais pourtant, vous devez en recevoir, en fait. Ou en tout cas, j'en ai déjà parlé des Ah. copains réalisateurs. Ils en rêvent, mais comme par hasard, On n'en veut pas. comme par hasard, aucun scénario ne trouve grâce. Et je trouve qu'ils sont sincères, en fait. C'est une envie théorique, mais en fait, il faudrait vraiment un petit miracle pour Ouais, que c'est ça. vraiment il y Ouais, ait quelque chose dans lequel vous puissiez vous glisser. Parce que s'il faut tout reprendre, ça prend autant de temps. Enfin, voilà, c'est faut vraiment une rencontre un peu particulière entre un texte déjà écrit et un réalisateur.